c'est la différence entre les pistaches et les princesses? Et les pistaches, elles sont... Il n'y a pas trop... les princesses, il n'y a pas de coquille. Tandis que les pistaches, il y a une petite coquille, c'est moins cher. Voilà. La princesse, c'est la plus chère. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Et on les mange différemment? Les princesses, on les mange comment? C'est toute la même chose. Vous pouvez faire n'importe quoi avec toutes les amandes. Voilà. On peut faire le nougat. Moi, je faisais le nougat. En Bretagne, faites-moi un peu de nougat. Je peux me dire comment vous le faisiez? Ah, mais oui, c'est pas difficile. Pas difficile de faire le nougat. Voilà. Vous prenez 1 kg de miel, 1 kg d'amandes, 1 kg d'amandes, 1 kg de miel, vous mettez votre miel dans une bassine, que ça commence à bouillir. Ah ben avant, il faut faire un peu griller un peu les amandes, vous voyez, au four, vous faites griller un peu les amandes, là, quand elles pétillent, vous les enlevez du four, vous voyez, quand ça fait tic-tic, vous les enlevez, voilà. Et après, hein, je vous laisse écrire. Après, quand les amandes pétillent, que le miel commence à bouillir dans votre marmite, vous jetez vos amandes comme ça, là, dans le... Et puis vous mettez... Parce que maintenant, moi avant, je mettais du sucre, une petite poignée de sucre en grain. Mais maintenant, j'en mets que deux morceaux parce que beaucoup donnent du miel aux amandes, aux abeilles, vous voyez. Alors, ça fait cristallisé et ça fait le nougat trop dur. Voilà. Juste deux morceaux de sucre par kilo. Si vous en faites 2 kg, vous en mettez 4. Enfin, vous voyez la proportion, vous doublez. Après, voilà, vous tournez 20 minutes sur le feu. Que ça bout bien, 20 minutes. Ouais. Vous 20 minutes, quand 20 minutes c'est prêt, vous avez votre papier aussi, n'est-ce pas? Dans un moule, dans n'importe quoi, quoi. Dans un moule, n'importe comment. Mon pauvre mari avait fait en bois, vous voyez. En bois, n'importe quoi, en plat, en gratin, n'importe quoi. Oui, vous mettez votre. Et avant de. Vous retirez un peu votre nougat du miel. Du feu, car quand il y a 20 minutes, vous l'enlevez du feu, mais il faut que quelqu'un tourne. Et vous battez 2 œufs blancs que vous le mettez juste avant de mettre dans le moule. Ne le faites pas cuire, hein. Juste le blanc des œufs. Oui, en battu en neige. Voilà. Qu'on mélange avec le reste. Oui, juste avant de le mettre dans le moule, parce que c'est vite fait et il faut vite bouger, battre vite et le mettre vite dedans et après dans le moule. Battez bien et vous mettez dans le bout. Et puis c'est fini. C'est terminé. Votre nougat fait. Oui, il y en a beaucoup, même les voisins là, qui ne savaient pas le faire cette année. Ah, quand même, il faut que je vienne voir comment vous faites le nougat. Parce que moi, ma grand-mère le faisait et puis elle est morte et je ne sais pas. J'ai pas le temps de demander. Eh bien, oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Ah. C'est pas difficile. Et il est... Alors, tout le monde qui a connu, moi, qui a. Mon Dieu, faites-moi voir, et tout le monde vient voir. Voilà. Et vous faisiez le nougat blanc aussi, ou ça ne se faisait pas? Ben moi, je ne savais pas le faire, ma soeur, elle sait le faire, mais c'est qu'avec des... Il faut du miel blanc, c'est un travail fin. Il faut décortiquer les amandes, tandis que là, vous n'avez pas besoin d'enlever la peau. Ah ben là, ce que je fais aussi le... Il y a la pâte d'amande, mais je... La pâte d'amande, il y a... Que je faisais, il y a le... Ah, comment on appelle ça? Les... Oh, mais moi, je sais plus les noms. Des gâteaux? Des pralines. Des pralines, voilà. Pralines aux amandes. C'est pas difficile, hein, les pralines aux amandes. C'est facile quand même. Bonjour. Ben, vous mettez... vous prenez un bol pour mesure. Un bol d'amandes. Un bol de sucre. Et un bol d'eau. Et vous mettez sur le feu et vous tournez. Et vous tournez. Vous mettez tout ensemble. Hein? Vous mettez tout ensemble. Vous mettez sur tout ensemble. Vous mettez sur votre feu. Une fois que ça commence à faire le cas. Ça fait. Quand vous entendez que vos amandes font tic-tic, vous ajoutez un peu de l'eau. Voilà, quand vos amandes commencent à faire tac-tac, elles pétillent, vous voyez, vous ajoutez encore un peu d'eau pour les délier, ça fait comme... Un... C'est pas vrai, c'est pas tactile à faire. J'ai dit, ben alors quand même. mais elles sont bonnes, elles sont meilleures que dans le commerce. Mais moi, je me mets comme ça. Mm. Voilà. Alors, je savais faire la pâte d'amande, mais je ne me rappelle déjà plus. Là, il faut décortiquer les amandes. On décortique les amandes. Après, on les moule bien dans un... Moi, je l'avais un machin à... On les passe au... Comme pour hacher la... Moi, je passe à la machine à hacher la viande, vous voyez? Ah oui. Ah, oui. Mm-hmm. Bien fine, comme ça, là. On le fait. Mm-hmm. Après, combien c'est la quantité de sucre? Je l'ai pas mis. Il n'y a pas longtemps qu'on me l'a donné cette recette. Alors je ne l'ai pas marqué. Et je crois que c'est pareil. Pareil de sucre, pareil. Je ne me rappelle plus. Mm-hmm. Oh là là. Ah, mais je sais que je passais ma. Oui, ma. On la viande hachée. Une fois qu'elles étaient. On mettait aussi le sucre ensemble. On mettait bien tout ensemble. Et après, on y mettait. Qu'est-ce que j'y mettais? Qu'est-ce qu'on m'a dit de mettre? Plus tard. Alors je l'ai fait une fois, je ne me rappelle plus. Quand je l'ai fait qu'une fois, je perds la tête dans un moment. Vous n'en faisiez pas souvent de la pâte d'amande? Et non, je ne savais pas le faire. Il y a 2 ans à peine qu'on me l'a dit. Mm-hmm. Et c'était un docteur qui me l'avait fait. Après, j'ai dit, mais docteur, je veux, parce que j'avais le docteur à côté là. J'ai dit, mais je veux savoir comment vous faites. Et puis je l'ai fait une fois, puis j'ai pu faire. Après, je ne me suis rappelé plus. Enfin, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, la pâte d'amande, et oui, j'avais mis. Et oui, en plus, c'est le sucre et les amandes qu'il faut que ça fait la pâte. Mm-hmm. Voilà. Oui. Et on avait mis une. Ils avaient mis un petit parfum, c'est tout. Mmh. C'est tout ce qu'il avait. C'est, tout ça, c'est juste du sucre et des amandes. Oui, bien mixé. Bien mélangé. Oui, mélangé, bien mixé. C'est tout. Et vous faisiez des gâteaux aux amandes? Et aux gâteaux aux amandes, moi, j'en ai jamais fait. Ma soeur en avait fait. Il y a mon cousin qui fait les... À nougatine, lui. À nougatine. J'en ai jamais entendu parler. Ah oui, la nougatine. Alors, ça c'est long à faire, hein. Une nougatine, il faut les décortiquer les amandes, tout enlever la peau. Mm-hmm. Il faut enlever la peau. Il faut y mettre du miel, comme le gars, pareil. Et il faut bien mixer les amandes. Il faut bien les mixer les amandes. Mm-hmm. Tout, que ça soit bien les amandes, il faut bien enlever la peau et bien les passer aux choses à bien pressé, bien. Alors, hacher la viande hachée, quoi, la machine de la viande hachée. Mm-hmm. Et après, le miel, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, il faut aussi un peu les faire dorer, aussi, les amandes, comme le nougat, c'est pareil, c'est le ça, mais. En fait, c'est comme le nougat, mais Les décortiquer. Il faut les décortiquer, les bien faire passer à la chose, mm-hmm. c'est pareil, c'est la même chose. Et après, vous l'étalez comme le nougat. Et lui, il avait fait des losanges, après, une fois que c'était cuit, il faisait cuire. Et après, il le met dans des petits moules, là, où l'huile. Un moule, puis après, il a un machin esprit qui fait des... Ça fait comme des galissons. Mmh. Alors, c'est bon, c'est tendre, ça. Que c'est bon. C'est en fait, oui, c'est comme le nougat, ça doit être plus tendre à la consistance, parce que les amandes sont hachées. Et oui, mais c'est ça. Mais c'est bon, c'est tard. Mmh. On va regarder. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il y en a un tas de choses. Moi, avant les amandes, le gâteau aux amandes, on fait un gâteau, puis on faisait griller un peu les amandes et on le mettait dessus. Là. Mmh. C'est bon, ça. Ouais. Ouais. Moi, le gâteau que je faisais 3 œufs. Un gâteau qui monte, vous savez, au lieu de mettre dans la crème, je mettais un peu des amandes grillées, et puis ça y est. Vous le mettiez au milieu? Eh oui, au milieu, au-dessus, comme vous voulez. Hein. Mmh. Le gâteau que je fais, j'avais vu une recette sur le levure là, où j'ai dit je vais essayer de le faire. Et maintenant, quand il me vient quelqu'un, 3 œufs. 3 œufs. Et alors, 200 grammes de sucre. Non, Non, 150 grammes de sucre, 200 grammes de farine, je dirais, puis je me trompe toujours. Mmh. Oui. Oui, 150 grammes de sucre, 200 grammes de farine, et 3 cuillerées d'eau tiède, cuillerée à soupe. Mmh. La soupe, et un peu de levure. Voilà. Un peu de levure. Alors, je sépare le blanc d'un côté, les jaunes de l'autre. Mmh. Je monte bien mes blancs en neige. Mmh. Je mets le jaune, le sucre, et je remue bien. Avec mon eau, mes 3 cuillerées d'eau. Là. Mm-hmm. Après, je mets mon blanc sur là-dessus. Je bouge bien. Mm-hmm. Je mélange bien. Ensuite, je mets ma farine petit à petit et je bouge. Voilà. Et le blanc, vous le montez en neige ou non? Ah oui, je mets le blanc en neige, je le mets avec le sucre et l'eau et tout, là, le jaune, voilà, tout ensemble. Et après, petit à petit, je mets la farine, et en dernier lieu, je mets la levure. Mm-hmm. Voilà, c'est tout, et ça me gonfle, un petit machin comme ça, ça me gonfle comme ça. Voilà. Ah oui, et tout le monde me dit, mais comment tu fais? Ben, je dis, c'est simple, c'est vite fait, pas besoin de le semer. Allez, bien battre, puis j'allais au four et à l'avant. Hein. Mm. Et comme mon four, moi, que c'est un four au bois, je suis obligée de mettre une tôle, autrement ça grille. Mm-hmm. Et puis de l'eau dessous. Ah, ben oui. Ah oui, comme ça, ça se... Sinon, c'est trop sec. Eh bien, c'est pas ça, mais... Oh, mais quand vous faites ça, ça vient en écume, ça vient bien en... Mm. Ça gonfle, vous voyez. Ouais. Et après, comme je vous dis, même pour mes... Quand je fais du rôti, là, j'ai toujours un plat au four. Tout le monde dit, mais quand j'ouvre le four, mais qu'est-ce qui fait ce plat, il se grossit? Ben, j'ai dit, non, c'est de l'eau. Ça fait que la viande n'est pas sèche, n'importe quoi, c'est pas sec. Ah oui. Il n'y a rien. Il y en a beaucoup qui me disent, mais vous êtes quelqu'un, vous. Ah, je dis encore qu'il y a des choses que ça ne me passe pas. Je perds la tête en soi. C'est vrai, à ce moment, je perds un peu la mémoire. Il faut que je recalcule. Qui est ce qui me demande, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est que je me rappelle. Mais il y a des jours que je ne peux pas dire ce que je... Ah, voilà. Là, j'en ai enlevé et je dis, bon Dieu, il semble que tu ne veux pas dire. Et est-ce que vous faisiez des infusions d'amandes? J'en ai jamais fait. Vous n'avez jamais fait ni de coquilles ni d'amandes? Non. Mais qu'est-ce qu'il me disait, le monsieur? Je ne me rappelle plus. Il faisait des choses, le monsieur, avec les coquilles et d'amandes, mais je ne me rappelle plus avec quoi. Qu'est-ce que c'est qu'il faisait? Par contre, les amandes amères, on faisait de liqueur d'amandes amères. Ben vous prenez des amandes amères, hein. Rien que les amandes, quoi. Mm-hmm. Pas les coquilles, ni rien que les amandes. Et vous mettiez, on les mettait trempés dans l'eau de vie. Vous voyez, mm-hmm. Et puis après, vous faisiez un sirop. C'est-à-dire, on les broyait? Non, comme ça, là. On faisait que les mettre comme ça dans l'eau de vie, les amandes. Donc elles s'imprégnaient bien? Et oui. On a infiltré, quoi, on enlevait les amandes, et l'eau de vie, on faisait un bon sirop, puis c'était... Et alors tout le monde se régalait. Et on l'appelait comment? Nous autres, on disait la liqueur amère. Liqueur amère, c'est tout.